Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'homme au masque de fer. Et puis dans un bâtiment, là vous entrez dans un couloir, plusieurs portes à franchir et enfin une cellule. La première fois que j'y suis allé, il y a tout de même pas mal d'années, il y avait à ce moment-là un vieux guide, charmant d'ailleurs, et qui disait « Eh bien nous voici maintenant dans la chambre du masque de fer, autrement dit le frère jumeau de Louis XIV ». Alors là, il y avait dans le public une sorte de frémissement, parce que, mon Dieu, c'était bien ce que pensaient les gens. Extrait de l'émission Alain Decaux raconte, diffusée en 1975, cette légende qui veut que Louis XIV ait eu un frère jumeau qui a passé sa vie en prison pour ne pas lui nuire, est l'une des légendes les plus connues, les plus tenaces également de toute l'histoire de France. Cette légende, c'est celle de l'homme au masque de fer, mais la théorie du jumeau du roi pour expliquer le mystère entourant l'identité de l'homme au masque de fer n'est que l'une des très nombreuses théories qui circulent à son sujet. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Vous ne le savez pas? Je vais maintenant vous révéler un secret que peu de gens partagent et qui a gâché votre vie. Tout a commencé la nuit où notre roi est né. La reine avait mis au monde deux enfants cette nuit-là, et celui que je tenais dans mes bras était le plus jeune des deux. Un autre! Il y en a un autre! Soudain, le vieux roi découvrit qu'il avait deux héritiers. Il ne voulait pas que le royaume soit déchiré par une querelle de succession, alors il décida pour le bien du pays que l'un des deux devait disparaître. Vous, Philippe. Il ordonna que l'on vous cache votre identité. Sur son lit de mort, il révéla votre existence à Louis et à votre mère. Son confesseur lui avait dit que vous étiez mort à la naissance. Elle fut très affectée de l'avoir cru. Elle voulut restaurer vos droits. Mais Louis était monté sur le trône. Il eut peur de vous faire tuer. La légitimité de son pouvoir reposait sur la sanctification du sang royal. Alors, il trouva un autre moyen pour vous faire disparaître. Extrait du film « L'homme au masque de fer » réalisé par Randall Wallace en 1998 pour tenter d'élucider le mystère autour de « L'homme au masque de fer ». Je reçois Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait, Laurent, qu'aujourd'hui encore, d'abord, il y a le mystère plane toujours, mais qu'on soit aussi fasciné aujourd'hui encore par cette histoire-là? Bien, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a un grand mystère autour du masque de fer, mais aussi il y a beaucoup de théories. La fameuse théorie du jumeau de Louis XIV qui aurait justement qui n'aurait pas pu régner, parce que ça pose un problème quand même assez hallucinant, cette théorie du jumeau de Louis XIV, parce que la loi salique, donc qui préside à l'organisation de qui va régner en France, et on le sait que d'après la loi salique, les femmes ne peuvent pas régner, mais on n'avait pas prévu le cas d'héritiers jumeaux. Ouais. Qui règne en premier? Le premier qui a été conçu, le premier qui est né, celui qui est plus grand. Il n'y a rien, donc il pourrait avoir une vacance du pouvoir, mais plus encore, une guerre civile. Il faut se ramener un peu dans le contexte. À l'époque, Louis XIV, quand il monte sur le trône, je le mets entre guillemets, il a 5 ans. Ouais. Donc, il n'est pas en âge de régner, c'est pas avant l'âge de 13 ans, et commence de grandes guerres civiles qu'on va appeler les Frondes. Donc, on a déjà connu cet épisode et on dit on ne veut pas reconnaître qu'il y aurait eu un second héritier. Entendons-nous tout de suite, cette théorie-là, mettons-la non seulement entre guillemets, mais dans le domaine de la légende. Ouais. Ça fait rêver. Mais persistante, pourquoi? Entre autres, par les films, les romans, les BD, les jeux vidéo. On a cette idée qui percole selon laquelle plus on répète une rumeur, ouais, plus elle devient vraie. C'est une bonne histoire, on veut croire ça. Ah oui, mais le film avec Leonardo DiCaprio est très bon, d'autant plus qu'il est sorti peu de temps après Titanic et les gens se sont massés massivement vers cette grande figure qui était Leonardo DiCaprio et ont pris ça pour du cash, comme ouais, on dit gentiment. Et plus encore, le film commence sur l'idée magnifique, très romantique, selon laquelle à la prise de la Bastille, des révolutionnaires sont entrés dans les cachots et ont découvert des documents, notamment avec un numéro très précis sur lequel on aurait écrit « L'homme au masque de fer ouais ». Donc, on part sur une espèce de substrat d'histoire, un substrat de méthode historique pour dire que ce serait du vrai, alors que tout ça, ce n'est que de la légende, c'est de la mise en récit ouais pour plaire. Cela dit, même s'il y a encore un certain mystère autour de l'identité de l'homme au masque de fer et qu'il y a toutes ces légendes alimentées, là, parce qu'on se fait plaisir, on est dans toutes sortes de scénarios, c'est presque du polar à certains égards, ces histoires-là, qu'est-ce qui, aujourd'hui, Laurent, est démontrée hors de tout doute. Alors, on va garder ce qu'on connaît depuis longtemps, parce que depuis à peu près 4 ans, et ça, c'est le punch de la fin qu'on vous garde, on a découvert... Restez là. Ouais, ben oui, c'est le suspense pédagogique. On savait quand même plusieurs choses. Premièrement, que le prisonnier en question avait été arrêté en 1669 et qu'il est mort en 1703, à la Bastille. Il est passé par différentes prisons, Pignerol, Exil, les îles Sainte-Marguerite. Et celui qui s'occupait de lui, c'était, bien sûr, le certain Bénigne d'Auvergne, dit Monsieur de Saint-Marc. Et Monsieur de Saint-Marc était son geôlier et s'est occupé de lui. Au-delà de ça, que sait-on? On sait que quand il a été transféré à un moment donné d'une prison à une autre, on lui aurait fait porter un masque en fer. Ouais. Et c'est des gazettes de l'époque qui rapportent. Mais attention, gazette janséniste. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du jansénisme, mais c'est une forme d'opposition au roi. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas volontairement critiqué en montrant l'ordinaire des prisons parisiennes et l'ordinaire des prisons françaises en disant, voyez comment on traite les prisonniers comme des sous-hommes. Il y avait cette théorie-là, mais il y avait aussi l'idée selon laquelle, à partir d'un certain moment, ce ne serait plus un masque de fer, mais un masque de velours. Ouais. Ça, on le sait. On sait donc aussi l'idée étant la même, cacher son identité. Exactement. On sait également qu'il a été enterré à la paroisse de Saint-Paul, à Paris, parce qu'il est mort à la Bastille. On n'a jamais retrouvé son cadavre, mais on sait également qu'il a été enterré sous le nom de Maccioli. Donc, on se dit, ah, ben voilà, on a son nom. Ben, pas du tout. Parce que tous les prisonniers qui étaient enterrés à la Bastille l'étaient sous un faux nom. Donc, c'est une fausse piste que de penser que Maccioli était son vrai nom. Ça, on le sait. On sait également que quand il arrive, et ça c'est assez important, en 1669, à la prison de Pignerol, donc aujourd'hui dans l'Italie actuelle, mais à l'époque qui est en France, celui qui envoie des ordres au geôlier, M. de Saint-Marc, est très précis. Et on dit, il faudra, et je vous cite les archives de l'époque, il faudra que vous portiez vous-même à ce misérable une fois par jour, de quoi vivre toute la journée, et que vous n'écoutiez jamais, sous quelque prétexte que ce puisse être, ce qu'il voudra vous dire, le menaçant toujours de le faire mourir s'il ouvre jamais la bouche pour vous parler d'autre chose que de ses nécessités. Et dès lors, on se dit, c'est un prisonnier extrêmement célèbre. Et dans la correspondance, on sait qu'il ne doit pas révéler ce qu'il sait et ce qu'il a vu, et non pas ce qu'il a fait. Visiblement, c'est un prisonnier qui a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Et à sa mort, pour en rajouter une couche, on détruit, puis là encore, ça c'est documenté, tous ses effets sont brûlés, on nettoie la cellule complètement. Là. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de l'idée sur laquelle, sous l'Ancien Régime, on ne doit pas garder souvenir des crimes honteux. Donc, c'est pas nouveau le fait de laisser de côté certains crimes atroces, comme par exemple les sodomites, on les brûle, mais on brûle aussi les pièces du procès dans certains cas pour être sûr de ne pas se souvenir. Il y a le devoir de mémoire, il y a aussi le devoir d'oubliance. Ce qui est fascinant, c'est que c'est après sa mort qu'on va se mettre à s'intéresser à lui. C'est beaucoup par Voltaire qu'on va construire cette légende de l'homme au masque de fer. C'est Voltaire qui lance, ou corrigez-moi, mais cette théorie du frère jumeau. Il est un de ceux qui la lance, parce que c'était des mots qui commencent, des rumeurs qui commencent à être lancées au début du 18e siècle, notamment par le fils de Louvois. Louvois qui est le secrétaire des armées, qui s'occupe aussi des prisons, et c'est l'amante du fils de Louvois qui commence à lancer l'idée comme quoi ce serait le jumeau du roi. Ça arrive aux oreilles de Voltaire. Et Voltaire, dans les années 1750, représentez-vous le personnage, un des plus grands intellectuels de son époque, voire même l'intellectuel public. Et il se fait un devoir de critiquer l'absolutisme. Pour lui, il doit avoir une monarchie constitutionnelle comme on le voit en Angleterre. Et il va se servir de toutes les rumeurs pour attaquer la monarchie. Donc, dans son siècle de Louis XIV, qui est publié en 1751, il y a toute une section qui est consacrée au masque de fer et il écrit qu'il a un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque sur le visage et on avait ordre de le tuer s'il se découvrait. Ouais. Ce qui a fait dire à certains historiens par la suite, c'était un masque médical, parce que peut-être il avait vu quelque chose et on lui avait tailladé le visage et qu'il n'arrivait plus à mastiquer, donc on lui aurait construit le masque en question pour la mastication et avec le temps, on aurait expliqué pourquoi on passe du masque de fer au masque de velours, parce que la cicatrisation se serait faite. Théorie, je vous rassure tout de suite, qui ne fonctionne pas, malheureusement. Mais Voltaire, en fait, ce pourquoi il s'intéresse et il participe autant à cette légende et à cette théorie de l'homme au masque de fer comme étant présumément le jumeau de Louis XIV, c'est que c'est pour lui le symbole, et c'est un message politique. Il entretient ça, mais sciemment. Politiquement, il s'attaque à l'absolutisme dont vous parliez. L'homme au masque de fer symbolise les travers du pouvoir impérial. C'est oui, un peu ça. Oui, exactement. C'est qu'il se sert de ça pour critiquer. Et Voltaire, au milieu du 18e siècle, est dans une grande campagne. Le point d'orgue serait sans doute son traité sur la tolérance, où il lance l'idée selon laquelle on peut exister en dehors des contraintes de la religion et en dehors des contraintes de l'État. Malheureusement pour lui, il va subir ce que le masque de fer a subi, soit une lettre de cachet. Et ça, c'est le symbole de l'absolutisme royal. Qu'est-ce que c'est que la lettre de cachet? Bien, c'est un ordre royal qui, sans procès, vous envoie en prison. Et c'est ce qui s'est passé en 1669. Un homme qui n'aura pas eu de procès, pas de vue publique de ce qu'il a commis comme crime, est envoyé dans les geôles royales, indépendamment de tout. Et Voltaire en est révolté. Ouais. D'autres auteurs vont s'emparer de cette légende autour de l'homme au masque de fer. Je pense à Victor Hugo, Alexandre Dumas, deux des principales voix, en fait, deux des principaux auteurs qui vont écrire sur l'homme au masque de fer. Oui, Hugo, malheureusement, ça va être publié après sa mort. Celui qui a vraiment l'importance qui va donner au masque de fer, c'est sans doute Alexandre Dumas. Sans doute avez-vous lu le Vicomte de Bragelonne, idée reprise justement dans l'extrait qu'on a entendu en ouverture, selon lequel s'agirait d'un jumeau de Louis XIV. Certains vont même dire à un certain moment, ça c'est quelques années plus tard, que ce serait le père de Louis XIV, théorie qui ne tient pas. D'autres encore vont dire que c'est Nicolas Fouquet. Et là, ça devient important, Nicolas Fouquet, parce que au moment de la prise du pouvoir de Louis XIV, dans les années 1660, il est invité par son surintendant des finances. Et le surintendant des finances, c'est le ministre donc des finances, et il va déployer un faste mais monumental à son château de Vaux-le-Vicomte. Louis XIV va en être troublé et il va demander à un de ses gardes, du nom de D'Artagnan, l'arrestation du fameux Fouquet, et il va tout faire pour le faire exécuté. Ouais. Il ne l'obtiendra pas, il va être envoyé en prison. Et celui qui va s'en occuper, tenez-vous bien parce que le mystère commence, c'est un certain monsieur de Saint-Marc, à la prison de Pignerolles. Donc là, on s'en vient tranquillement dans le mystère. Et qui va, ce mystère, déboucher sur toutes sortes de théories. Pour le plaisir, on écoute à nouveau Alain Decaux qui en énumère quelques-unes de ces théories-là. Il y a par exemple la solution de monsieur de Beaufort. Certains ont affirmé assez vite que M. de Beaufort, le petit-fils d'Henri IV et de Gabriel d'Estrée, qu'on croyait avoir été tué à Candie, eh bien que M. de Beaufort avait survécu et qu'on l'avait incarcéré justement avec ce masque. Mais pourquoi M. de Beaufort? Pourquoi ce masque? C'est une thèse qui est bien difficile à admettre. On a parlé du comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de Mademoiselle de La Vallière, et on a retrouvé la trace de la mort du comte de Vermandois. Il est très impossible, il est difficile, impossible même d'admettre cette thèse, mais elle a été soutenue. Et puis, je crois que la palme doit être donnée à un avocat, Maître Bouche, qui a démontré très sérieusement dans une thèse que l'homme au masque de fer était une femme. Alors là, évidemment, on reste sans voix. Il y a encore une thèse qui est très étonnante, c'est celle d'Anatole Loquin, qui voulait voir dans le masque de fer Molière. Ah! Là aussi, disons que c'est une thèse que nous n'allons pas retenir. Alain Decaux qui évoque quelques-unes des très, très longues. On pourrait faire une heure, deux heures, beaucoup, beaucoup de thèses autour de l'identité. Faisons deux heures. autour de l'identité possible de l'homme au masque de fer. On va revenir sur quelques-unes des théories qu'a évoquées Alain Decaux, d'autres aussi. D'abord, l'idée que l'homme au masque de fer, c'est un nain africain. Ben oui, ça serait un nain africain, notamment celui qu'on appelle Nabo, qui était un amant de la reine Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, souvenons-nous, qui est la femme de Louis XIV, donc parce que Louis XIV va avoir de nombreuses maîtresses à Versailles, et donc elle aurait voulu faire de même, et on l'aurait enfermée parce que c'était malséant pour une reine d'avoir un amant au vu et su de tout le monde à Versailles. Il y a la théorie de Molière, mais les dates ne concordent pas du tout, ça marche pas. Il y a même la théorie selon laquelle ce serait le quatrième fils d'Olivier Cromwell. Olivier Cromwell, donc de la Révolution anglaise des années 1640, qui aurait débarqué en France. Bref, tout un ensemble de théories qui ne tiennent pas la route pour une raison, nous n'avons pas de preuves. Et vous le savez, Jacques, si on n'a pas de preuves, c'est pas de l'histoire, c'est de la légende. Rapprochons-nous de Louis XIV. On a parlé de cette théorie du frère, du jumeau de Louis XIV qui a été évoquée. Une autre théorie qui nous amène directement en lien avec Louis XIV, son fils caché. Oui, le fils caché, ça, c'est assez classique parce que Louis XIV, qui a eu plusieurs enfants, et le problème, c'est qu'à la fin de sa vie, tous ses enfants et ses petits-enfants vont mourir. Donc, on se dit, hey, s'il y avait quand même un fils caché, un bâtard, comme l'avait fait son grand-père, Henri IV. Henri IV, les rumeurs les plus folles portait à travers la France, comme quoi, quand il avait chevauché la France pour la reconquérir au début du 17e siècle, qu'il aurait laissé des enfants à gauche et à droite. Donc, on reprend cette idée et on la donne à Louis XIV. Encore une fois, aucun document, rien ne le prouve, donc de la rumeur. Ouais. Pour l'historien Claude Quettel, il est parfaitement d'accord avec vous. On est dans l'ordre de la rumeur quand on parle de l'homme au masque de fer comme le fils du roi, comme le frère du roi. Écoutez-le, il avance une autre théorie, à l'émission Il fait toujours beau quelque part en 1989, animée par Gérard-Marie Boivin. Puis vous allez entendre Christiane Charette également dans cet extrait. Non, okay. C'est certain que ce n'est pas le frère du roi. C'est encore Voltaire qui a raconté des bêtises. Il ne dit que des bêtises. OK, Voltaire. Alors la légende, c'est qu'il était le frère du roi. Ça, c'est pas vrai, mais ah il non, a existé. Ah non, ce n'est pas le frère du roi, mais il a existé. Ah. Et en fait, c'est un traître, c'est un diplomate italien qui a trahi la diplomatie du roi. C'est-à-dire, il a fait l'agent double. Ah, OK. Et pourquoi est-ce qu'on lui met un masque de fer? Pour un traître, ça ne suffisait pas. Hein. Mais parce que Louis XIV était tellement furieux que Louis XIV l'a fait enlever en territoire étranger. Ben oui, c'est italien. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, dans tous les pays du monde, mais à l'époque, ça ne se faisait absolument pas. Et Louis XIV ne voulait pas que ça se sache. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait un secret sur ce personnage qui était certainement le comte Mattioli. Pour qu'il disparaisse derrière le masque voilà, de fer. C'était le prisonnier au masque de fer. Voilà. Il fallait absolument qu'on ignore son identité. Et ça a été un des rares à être masqué. C'est vrai que c'est un côté un peu exceptionnel. Cependant, pour vous faire plaisir, j'ajouterai qu'il y a quand même une part de mystère qui subsiste. Parce que quand ce type-là meurt, il va à la messe un dimanche matin, et en remontant les longs escaliers de la Bastille, il meurt d'une crise cardiaque probablement. Et à partir de ce moment-là, on va brûler ses vêtements, brûler ses meubles. On va dépaver sa cellule. On va reblanchir les murs. Et là, à mon avis, tout de même, c'est un peu trop. Mmh. C'est un peu trop pour un personnage finalement aussi mince. Donc il y a une part de mystère qui subsiste, vous voyez. Mais qui, pour ce qui est de cette théorie du comte Mattioli, qui vous ne convainc pas du tout, Laurent Turcot? Non, pas du tout, parce qu'on s'est beaucoup assis sur l'idée sur laquelle le nom qu'on a donné au prisonnier qui est mort à la Bastille en 1703, le masque de fer, non, était Marcioli. Donc, la déclinaison logique serait Mattioli. Et il y a une homonymie qui ressemble et qui fait que ça aurait été le même, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que selon les archives des prisons en question, le fameux Mattioli, donc, n'a pas suivi le comte de Saint-Marc quand il est parti de la prison de Pignerolles pour aller à la prison d'exil. Ouais. Il est resté, alors que les gazettes et plusieurs témoins oculaires racontent justement que le masque de fer, que je mets entre guillemets, aurait été mis sur une litière, au vu et su de tous, avec le fameux masque en question. Ouais. Alors qu'on sait très bien que Mattioli était encore à Pignerolles, donc ça ne marche pas. Dernière théorie qu'on va examiner ensemble, elle a l'intérêt, entre autres, d'être assez récente. Elle a fait l'objet d'un livre publié en 2011, signé par Jean-Christian Petit-Fils, qu'on écoute à l'émission La Grande Librairie, diffusée à TV5, entrevue très récente, en mai 2018. On connaît son nom. Non seulement on connaît son nom, mais ce que je trouve encore plus génial, c'est que vous dites, mais en fait, c'est le geôlier. C'est-à-dire que le geôlier avait besoin de se faire mousser, voilà. Et donc il a fait croire qu'il avait tout. Un personnage sous sa garde. On sait c'est pas tout. On sait son nom. On sait sa condition, qui est une condition de très, très modeste. Et finalement, les dépenses qui lui sont consacrées sont très faibles. Rien à voir avec ses linges précieux. On sait pourquoi il était masqué. Mmh. On ne sait pas de façon précise pour quelles raisons il a été arrêté et quel secret il détenait. Parce qu'il détenait un secret, bien évidemment. Alors là, j'émets des hypothèses. J'en ai mis une qui semble vraisemblable, mais je reconnais que ce n'est pas une certitude absolue. Voilà, on approche comme ça des mystères. Peut-être trouvera-t-on une pièce qui manque, encore un petit bout du puzzle, et on avance, voilà. Mais il faut avancer, il ne faut pas, évidemment, rebattre les cartes. Non, on a des documents nombreux qui nous permettent d'attester de la réalité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire un homme de conditions sociales très, très faibles, un domestique. Donc voilà pour la dernière théorie, la plus récente aussi, celle de l'historien Jean Jean-Christian Petit-Fils. Et depuis, en fait, ça c'est 2018, mais il a commencé son livre paraît en 2011. Et on a avancé encore après coup sur cette théorie-là, Laurent Turcot. On a beaucoup avancé en 2015. Pourquoi? Parce qu'on on a trouvé au milieu des 100 millions de documents du minutier central des notaires, ça vous dit rien probablement, mais pour les historiens, c'est extrêmement connu, un document de 64 à 68 pages environ qui traite du masque de fer, dont la correspondance notamment du marquis de Saint-Marc. Ce qui fait qu'on a des documents complètement neufs et donc les théories qu'on a évoquées ne fonctionnent plus. Et Jean-Christian Petit-Fils reste quand même très modeste dans l'extrait qu'on a entendu, mais ce qu'il avance, c'est complètement neuf et ça tient la route. On s'entend aujourd'hui pour dire que le nom du prisonnier, et je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas le jumeau de Louis XIV, il s'appelle Eustache d'Angers. Donc on connaît ça. On connaît son nom maintenant. Son nom est même cité dans des papiers officiels de l'État qui viennent du ministère de la Guerre, qui viennent de la Chambre du Roi. Donc on connaît son nom. Mais la raison pour laquelle il a été enlevé et surtout mis à l'arrêt, ça on ne le connaît pas. Ouais. Mais on a une petite idée de la raison pour laquelle il aurait porté un masque de fer. Replaçons-nous dans le contexte. 1669, il est arrêté, il est envoyé à Pignerol où se trouve déjà Nicolas Fouquet. Fouquet qui était avec deux domestiques. Un de ses domestiques, Champagne notamment, il avait La Rivière et Champagne, Champagne va mourir. Et là, le comte de Saint-Marc se dit, ben écoutez, on pourrait mettre le prisonnier en question, Eustache, au service de Fouquet. Ouais. Ce que l'on va faire éventuellement. Donc, le secret en question qu'il gardait perd de son importance, on le voit. Sauf qu'il y a un autre prisonnier qui arrive, qui est le comte de Lauzun, qui est l'amant de la cousine de Louis XIV. Et là, ces deux personnages, on va tout faire pour qu'ils ne se parlent pas. Sauf qu'à la mort de Fouquet en 1680, on a découvert qu'il y a eu un tunnel qui a été creusé entre les deux prisonniers et que, si ça se trouve, l'amant de la cousine de Louis XIV aurait été mis au courant des informations d'Eustache d'Angers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Éventuellement, Lauzun va sortir de prison, mais Saint-Marc, lui, va avoir une démotion. Il ne gardera plus ses grands prisonniers qui faisaient sa gloire, ouais, et il va garder ce qu'il appelle lui-même les deux merdes, les deux domestiques, et il les amène avec lui à la prison d'exil, et là, il ne sait plus quoi faire. Et c'est au moment où il va arriver à Sainte-Marguerite qu'il va avoir l'idée de mousser le personnage. Il dit « Oh, mais je garde un personnage extrêmement célèbre. » Pour sa propre gloriole, alors que c'est un valet. Exactement. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez perdu la faveur du roi? Vous arrangez pour qu'on parle de vous. Et c'est ce qu'il va faire. Il va lancer ces espèces de contes jaunes, ces idées de grandiloquence disant qu'il avait ordre de tenir deux pistolets face aux prisonniers à chaque fois qu'il mangeait devant lui et que s'il parlait, il le tuait d'air chef. Ça, c'est la première théorie. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-il su? La théorie qu'avance Jean-Christian Petit-Fils, elle est quand même intéressante. On est dans les années 1660-70 environ et le roi d'Angleterre, Charles II, aurait voulu se convertir au catholicisme. C'est énorme. D'Henri VIII à Élisabeth Ière, bien sûr, l'anglicanisme s'impose, une guerre fratricide entre la France et l'Angleterre, et là, Louis XIV aurait trouvé une solution. Que son ennemi se convertisse à sa religion pour attaquer ses ennemis. Et on pense que Eustache d'Angers aurait été mêlé à la correspondance cryptée entre les deux souverains et qu'il aurait su quelque chose. Il n'aurait pas fait quelque chose, il aurait su. Et donc, ça corrobore tous les éléments qu'on a pour l'instant. Laurent Turcot, on s'arrête là-dessus. Fascinant, encore une fois, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.